Bonjour. C'est compliqué parce que le langage qui a été développé au niveau social n'est pas adapté là, à décrire ce qui est au-delà de ça, là. Il va falloir créer un nouveau vocabulaire et puis tout ça va se faire d'une façon autorégulée de soi-même. Comme par exemple, aussi la façon là d'arrêter là l'interprétation, prendre les choses là comme elles sont, prendre les choses comme elles sont. Quand je vois là, même l'être humain au niveau de sa mémoire a des choses extrêmement précieuses, mais ça lui parvient déformé. Quelqu'un par exemple qui lirait n'importe quel texte n'y verra pas nécessairement la même chose que moi, au sens où il va y avoir une interprétation. Prenez par exemple, là, quand il est dit dans les évangiles, là, le Christ revient là, dans le jardin des Oliviers, il reproche aux apôtres d'avoir dormi. Moi, ce que je vois là-dedans, décrit très clairement, c'est que il leur dit qu'ils ont manqué de présence. Pour prendre le vocabulaire là, que moi-même j'ai développé d'une façon autorégulée avec le temps, il leur dit qu'ils manquent de présence, il leur reproche d'avoir manqué de présence. C'est ça, au fond, le reproche là, de ne pas avoir veillé, au sens d'avoir de la présence, de s'habiter, d'être ajusté avec ce qui se passe. Et puis, c'est un peu là, comme si on te frappe sur la joue gauche, présente la joue droite, c'est au sens de ne pas. Ce qui est enregistré, il n'y a pas de retour en arrière possible, même si vous me frappez, vous ne me ferez pas vibrer. Au sens où. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il n'y a pas de retour en arrière possible, là. Même si vous me frappez, mon esprit ne régressera pas. C'est un peu ça. Si on frappe sur la joue gauche, présente la joue droite. Et quand il est dit, si tu perds ton manteau, donne ta tunique, c'est au sens où encore là, ce qui est enregistré, il n'y a pas de retour en arrière possible et la personne ne va pas, peu importe les événements, là, si on pourrait dire, au sens de. La mise en initiation, mais au sens réel du terme, c'est-à-dire que le contexte là, qui va mettre en fréquence par une position là, contextuelle des événements, mais de ne pas régresser en fréquence, si on peut dire. Mais tout ça, c'est parce que de toute façon, lorsque quelque chose est universel, il peut être parlé de toutes les façons possibles. Donc, c'est là où je dis de sortir d'une certaine subjectivité de la forme pour voir ce qu'il y a au-delà de la forme, de ne pas s'arrêter à ce qui est dit, mais d'aller au-delà et de voir le signifiant réel, non pas par exemple ce qu'une personne dit, mais ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire ce qui est contenu là, au-delà de la forme, sans toujours être pris dans une interprétation. Polarisé, psychologique, de s'enfarger dans des formes, de se prendre les pieds dans de la pollution au fond. Parce que pour moi, ce sont des formes désuètes qui sont des nuisances dans le mental des collectifs, là, ce qu'on pourrait appeler la masse psychique là, de collectif. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des pratiques ascétiques aberrante, ça aboutit à parfois même des suicides au niveau d'une interprétation là, subjective de des vieilles formes qui, au fond, c'est des projections, moi, à mes yeux, c'est des illusions. Moi, je vois ça comme des illusions. Ça, c'est un autre monde, c'est le monde de gens qui vivent au niveau de ces formes-là, dans un monde habité par ces formes-là, sur le plan mental, là. Si plan mental il y a, parce qu'à mes yeux, là, on est dans le plan psychologique. Les gens là, qui ont un mental polarisé, je le vois tout de suite. C'est toujours positif, négatif, bien, mal, Dieu, Satan. Ils n'ont pas une vision d'un dynamisme. Là. Ils ne vont pas le dégrader, c'est des hauts contrastes. Ils voient le monde en haut contraste, comme un damier. Un damier. Donc, ce sont là des choses que je n'ai pas, là, que je ne vais pas réaborder. Et puis. À mes yeux, là, le corps atmique, le corps bouddhique, là, c'est comme la fée des étoiles et le Père Noël. Venez pas, mais vous avez le droit d'y croire, là. Vous avez le droit de croire même. Moi, je ne crois même pas. mais que ces choses-là sont des vieilles formes retardataires, ça, c'est pas, à mes yeux, c'est pas une question de croyance, et je suis certain. Je suis certain. Parce que, regardez là, ce qui se passe là, en Inde, au Sri Lanka, et puis par rapport au bouddhisme, là, au Myanmar, et puis les petites épurations, là, ces gens-là qui parlent beaucoup là, de compassion, ils sont en train de faire de l'épuration ethnique dans certains coins, de l'épuration ethnique. On est loin de la compassion, puis de. C'est fini. Ces choses-là, ça a peut-être été bon à certaines époques, pour des raisons évolutives. Peut-être qu'il y a des gens qui ont encore besoin de ces formes-là. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est des vidanges. C'est la doctrine de l'illumination, au sens là, des formes doctrinales là, de l'Orient. Pour moi, c'est des histoires pour enfants. On nous sommes rendus, ça a déjà été quelque chose d'important, mais nous sommes rendus à une époque, à la fin de quelque chose qui fait qu'à mes yeux, c'est des contes, là. Vous comptez des. Je disais, la perception de l'être humain est un peu comme un livre d'images, et l'être humain se raconte le monde, là, à travers la subjectivité de sa perception. Et puis, tout ça est un peu engendré par des vieilles formes, là, qui sont un peu comme de la mémoire parasitaire. Parce que ce n'est plus à jour, ce n'est plus ajusté avec maintenant. Ce n'est plus ajusté avec maintenant. Donc, faites ce que vous voulez, mais je dis ça. J'ose le dire. Je peux pas. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Donc, si pour vous, là, certaines pratiques ascétiques de l'Orient, puis tout ça, c'est bon, c'est votre affaire. Mais venez pas me parler de ça. Venez pas me parler de ça parce que ça se peut là, que je ne parlerai jamais en bien là, au niveau de faire l'apologie de choses comme ça. Puis je vous dis que ce qui vient, ce qui prépare au niveau d'une instruction qui prépare ce qui vient par rapport à d'autres choses qui achèvent en dehors de ce qui est en train de finir. C'est de la lumière, ça viendra de l'Occident. Regardez-les, les groupes initiatiques, qui c'est tout le temps par rapport à l'Orient. À l'Orient, pendant ce temps-là, quelqu'un qui est en Occident, puis il est obligé de passer à travers les vidanges des autres pour atteindre sa propre source, cela n'a pas de sens. Et regardez le ordre de l'étoile orientale, le grand orient de gna. Fini, c'est fini. Ce qui est désuet, c'est désuet. Et puis, maintenant, c'est maintenant. Et demain, c'est demain. Et hier, c'était l'adolescence, on peut dire, de l'humanité. Et à un moment donné, il faut entrer dans il va falloir là, entrer dans une maturité, peut-être. Ça, c'est ce que je dis. C'est un peu comme lorsque vous rêvez. Vous ne vous rendez pas compte que vous rêvez. Pour vous, c'est réel. Pourquoi? Parce que les formes du rêve, les images et ce qui est contenu dans le rêve va créer une fascination. Eh bien, c'est la même chose à l'état de veille, là, entre guillemets, au sens où l'être humain est fasciné par des formes dans son mental endormi, ce qui la garde à un niveau plus bas, là, si vous voulez, en fréquence. Donc, si l'être humain vient à bout là, de faire le tri entre les pensées qui proviennent de son vrai moi réel et ce qui n'est rien d'autre que de l'émotionnalité animale, du conditionnement, de la programmation. Là, il développe un discernement réel. Il identifie les formes qui lui drainent de la conscience dans son mental. Il fait éclater la forme et l'ego réintègre l'énergie qui était drainée dans cette forme-là, qui au fond, ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain n'a pas la capacité encore d'intégrer du réel, de prendre de la responsabilité de sa manifestation à ce niveau-là, ce qui arrive, c'est que de la programmation, du conditionnement, vient prendre le relais et va assumer à la place de l'individu tout ce qu'il n'a pas intégré consciemment. et ce qui va créer une mise en initiation au niveau des événements, c'est-à-dire que la personne va finir par être dans la merde, va vivre des événements durs, au fond, pour forcer l'ego à réintégrer la part de réel qui lui échappait. Quand vous êtes dans une situation qui engendre de la souffrance, de la douleur, où il faut comprendre que la douleur, la souffrance, c'est de l'information sur l'état présent, c'est de l'information sur votre rapport au réel et à l'environnement. Et cette douleur-là, c'est un peu comme se mettre le pied sur un clou. Il va y avoir une douleur pour vous dire de vous enlever le pied de là, c'est-à-dire de l'information sur votre environnement pour que vous intégriez la part de réel qui vous avait échappé pour vous habiter plus. C'est-à-dire que au niveau du processus d'incarnation, ça va s'amplifier. Il va y avoir l'esprit descend là, à travers l'âme dans l'ego. Mais pour ça, il va y avoir progressivement une dépollution de l'ego, des vieilles formes qui contiennent de l'émotivité, des formes que l'être humain met en fréquence et qui a un retour, et là, il y a un cercle vicieux. C'est ça, Narcisse. Narcisse qui s'endort en voyant son reflet dans une flaque d'eau. Il se fait drainer de la conscience par une forme émotive dans son mental endormi. C'est ça, au lieu de détruire la forme pour que l'ego se réapproprie l'énergie, il se fait drainer toute la conscience par la forme jusqu'à ce que ce soit l'ego qui se dissolve, c'est-à-dire il se noie, il s'endort, puis il se noie, et qui est le retour, si vous voulez, là, la conscience n'est pas immortalisée là, à ce niveau-là. Donc, il y a le retour, l'âme dans le lac de feu, si vous voulez. Il va y avoir une dissolution dans le systémique en tant que mémoire enregistrée expérimentale, mais la conscience en tant qu'égoïque qui s'est manifestée à travers cette forme-là ne sera pas nécessairement gardée là, dans son état actif dans les archives, si on peut dire. Pourquoi? Parce que il faut s'éveiller de son vivant. Vous ne pouvez pas considérer que quelqu'un qui meurt endormi va avoir une conscience réelle qui se perpétue. Et juste le fait d'en parler, juste le fait d'oser le dire, moi, que d'autres aussi en parlent, à mes yeux, c'est important. C'est un travail qui n'est pas rémunéré. C'est parce que c'est trop. C'est en dehors là, des structures. Puis on ne peut pas là, demander. C'est pour ça que moi, je ne monétiserai jamais là, de cette nouvelle façon-là de voir. Ce n'est même plus. Ce n'est pas au niveau d'une pensée spéculative linéaire. C'est de voir réellement, de réintégrer le réel, de faire en sorte que l'ego est enveloppé d'une coque mémorielle expérimentale. Et si il vient à bout de développer un discernement, de redrainer les forces qui sont drainées, qui lui appartiennent, qui sont assumées par d'autres forces qui polluent son mental endormi, ben, ce qu'il faut qu'il arrive, ben, à un moment donné, cette coque-là autour de l'ego, qui est une coque expérimentale, va se dissoudre et être intégrée, et l'ego dépollué redevient, si vous voulez, une lentille là, qui concentre le rayon un peu comme il y aurait un soleil avec une loupe, et puis, mais si la fourmi n'a pas la force d'intégrer ça, elle brûle. Mais si elle a la force de réintégrer ça, la seule mémoire qui reste, c'est celle que l'être humain est lumière, qu'il a toujours été lumière, qu'à sa source il est lumière. L'être humain est lumière. L'être humain est lumière. C'est en allant à l'intérieur que je trouve de l'intéressant à dire, pas en chercher, je n'ai pas eu à chercher à l'extérieur autrement que par une observation active, une observation active, et aussi un abandon de l'attachement aux formes pour le seul vœu, c'est la fidélité envers soi-même et la capacité progressive, intégrale, d'assimiler le réel, de voir de plus en plus clairement. C'est le seul vœu qu'un être humain conscient peut prononcer, et la seule fidélité, c'est celle à soi-même. En tant qu'ego, c'est terrible ce qu'un ego doit assumer au niveau expérimental. Il y a beaucoup de mérite à chuter dans la matière et à venir travailler sur un plan aussi brutal, aussi. Juste ça, c'est un tour de force. Bon, là, ça en fait pas mal. Je pense que c'est suffisant, là. C'est suffisant. Je peux pas. Et puis, allons-y, mollo.